بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما كاسبر كو tout le monde en bien زوت كابوتي كو زوت bien et nous commander à Allah تبارك وتعالى facilitez-nous et ibanou la force. Comme vous le savez, chaque lettre, nous allons essayer d'expliquer toutes ces questions que nous avons pendant la semaine-là. Je veux dire, nous tenir trois questions. Question 10, 11 et puis 12 là. Mais je veux dire, Adam mon travail là, donc ouais, en seule question seulement, question 10 là. Pucci, parce que sinon, cours là, mon travail là qui est trop long, premièrement. Et deuxièmement, c'est des sujets totalement différents. Donc, nous qui séparer, Inch'Allah ta'ala. Et puis, nous qui pour nous faire deuxième partie à hein, l'autre jour, pendant la semaine là. Alors, question d'islam. Est-ce à dans l'islam? Nous qu'à quoi en Torah? Est-ce ça dans l'islam? Nous qu'à quoi en Torah? Question ta là, c'est une question qu'il faut que nous comprenions vraiment bien. Pouchi, parce qu'il y a un pile de Martinique, il y a qu'à penser que ces musulmans n'ont pas connaître la Bible. En tête, yo, c'est mon ta yo rentre en islam parce qu'il ne connaît pas la Bible. Et ça, c'est une parole qu'il faut. Moi-même, je ne peux pas le dire moi-même. Avant de accepter l'islam, je fais un peu de recherche sur la Bible. Et tout le monde sait, Torah, c'est un pas à dans la Bible là. C'est un pas à dans l'Ancien Testament. Ça s'en va et tout le monde savent. Et donc, ça qui réponse là? Nous dit question, c'est est-ce à dans l'islam? Nous qu'à quoi en Torah? Ça qui réponse là? Réponse là qui m'a tché? À dans l'islam, nous qu'à quoi en tous ces livres là? Allah, bah, ces prophètes là. Et donc, oui, nous qu'à quoi en Torah? Mais en plus dit ça, nous qu'à quoi en tous ces livres-là, à la base ces prophètes-là. Nous pas faire distinction, nous pas rejeter. Mais problème là, c'est qui ça problème là? C'est que Torah aussi, nous l'a modifié. Nous t'es abordé, nous t'es pas dit les évangiles là. Les évangiles là, nous pas tenir, m'en pas dans le détail. Pouchi, parce que ça m'a fait en français, m'a expliqué en l'eau en français, et peut-être nous qu'on fait en créole aussi, nous avons tous ces détails-là concernant le Nouveau Testament, hein, tous ces problèmes-là qui n'y, et tout ça qui a montré que l'évangile-là aussi, il est modifié. Mais ça, Inch'Allah, nous pouvons faire ça plus tard. Concernant Torah, et donc, on dit, non, là aussi modifié. Ok, mais qui moun qui modifié? Non, là modifié. C'est pas tout le monde qui modifié. Qui moun qui modifié? C'est qui moun qui est responsable? Réponse là, c'est une réponse qui est facile. Qui ou chrétien, qui ou musulman, on peut connaître réponse là. Qui moun qui tenit Torah en la main? Faut que nous réfléchissions. Hein? Qui moun? Qui tient ni Torah en la main yo. Qui moun qui tient ni Torah et puis yo. Ces juifs là. C'est yo qui tient ni livre ta et puis yo. C'est yo qui modifie livre là. C'est pour ça Allah ça qu'a dit nous en Coran. Allah qu'a dit nous "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqukum minhum" يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Est-ce que tu as espéré? Ces moun ta qui ni la foi. C'est-à-dire ces juifs là. Est-ce que tu as espéré dit ces moun ta yo qui ni la foi? Alors qu'il y a un groupe parmi eux. Yo te ka tann parole Allah Torah. Yo te ka tann Torah. Torah te récite en les yo. Et après ça, yo te ka modifié. Après yo comprendre li. Les yo comprendre ça qui a dans Torah. Les yo ouais ça pas arrangé yo. Yo modifié. Wa hum ya'lamun et yo savent ça. Yo savent très bien yo modifié. Et donc ça c'est Allah qui dit nous ça dans le Coran. Et ni plusieurs passages dans le Coran qui ont montré que ces juifs là yo modifié Torah. Mais nous pouvons faire long je au soir m'en dis autres. Épisode ça fait ça. Il y a un bagage dans la fête là qui vraiment étonnant, qui a étonné moi en l'eau. Et m'a pensé. Il y a un pile moun. Les yo qui tendent ça, les yo qui méditent en lui. Ça qui étonne eux aussi. Et donc là, ma kadizot, ces juifs-là, ils ont modifié Torah. Un monde qui est chrétien, première fois, il a attendu ça, il a dit bon, nous qui, ouais, mais non, Torah n'a pas modifié. Ok, nous qui, ouais, ça. Ma kabazot, un petit exemple. Avant nous rentrer dans le débat, ma kabazot, un petit exemple. Parce que Jodia, ni en l'obaï, ni en pilbaï qui a dévoilé Jodia. C'est tanta, ni en pilbaï qui a sorti. C'est tanta, en pile docteur, ni en pile docteur Martinique. Ça yo ka di nou. Yo ka di moun Martinique, fok yo vaccine ko yo. Attention, hein. Moi za di zot, moi pas rentrer ensemble, moi pas docteur. Pas m'a dit, est-ce qu'il faut vacciner ou est-ce qu'il faut pas vacciner? M'a pas répondu. Mais, m'a dit, ça qu'a fait. Ça qu'a fait à présent, il y a un pile docteur Martinique. Il y a dit, c'est mon nom, il faut qu'il vacciner quoi yo. Ok. Mon Martinique a dit, nous pas ni confiance. Nous pas ni confiance en qui ça? Nous pas ni confiance en la France, il y a dit. Et ça semble qui normal quand là on réfléchit bien ça semble qui normal yo ka di nous pas ni confiance en la France pouchi yo tué nous et puis Claude Déconne là comment nous peut faire confiance yo tué nous et puis ça Claude Déconne là comment nous peut faire confiance. Ah OK. Et donc vous avez dit nous que confiance là rompu. Ça vrai, yo fait un bail qui grave. Yo fait un bail qui gravissime. Hein? Chlordécone naté interdit à dans tout pays à si la terre, sauf Martinique et Guadeloupe. Moun Martinique et Guadeloupe ka manje. Et donc ça grave. À cause de ça, ça c'est moun lan ka di à présent, yo ka di ou nous pas ka fè yo confiance. Hein? Pour ti nous ki fè yo confiance après ça. Eh bien, moi, j'ai une question à présent. La question, moi, c'est comment y ces chrétiens, comment y est, ils acceptent un livre, dit ces mouns-là, qui essayaient de tuer Jésus. Comment y est? Dans les autres, dans la Bible, là, ils marchaient clairement, c'est eux qui tuent. C'est pas moi qui a dit, hein. Il marche dans la Bible là. Il marche dans la Bible là que ces juifs là, ils ont tué Jésus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais il marche dans la Bible là. Nous, qui parlons de ça plus tard. Plus tard, nous qui avons un épisode, nous qui montrons les autres, que Jésus n'est pas mort, personne n'a pas tué. Mais dans la Bible là, ça, il marche dans la Bible là. Il marche, ces juifs là, ils ont tué. Moi, d'accord avec ça, ces juifs là, ils ont essayé de tuer. Ça, c'est croyance musulmane. Ils ont essayé de tuer. Mais dans les autres, ils marchaient, ils ont tué. Qui a tué? Qui a essayé de tuer? Mon question, comment les autres peuvent prendre les vieux et les autres mettent dans la Bible? Comment les autres peuvent prendre les vieux, les juifs là, et les autres mettent les vieux dans la Bible? Comment les autres peuvent faire confiance? Ça vraiment choquant ça. Comment nous peut faire confiance en les sujets? C'est en question, ça, c'est pas en question. L'argent, chlordécone, pas chlordécone, vaccin, pas vaccin. Ça, c'est en question. C'est en question mondaine qu'il a. Sans bail, si ou mort ou mort, si ou pas mort. Mais là, c'est en question paradis ou enfer, diffé ou paradis. Ça, c'est pas en bail la fête qu'il a. Comment nous peut faire ces gens confiance? Et qui ont essayé de tuer Jésus. Comment y'a? Ça, c'est une question qui est vraiment importante. Et donc, je dis à nous qu'attendre le monde. C'est le cas dit à ces mouns là, je dis à. Le cas dit nous, c'est nous, ces nègres là. Ils ont trappé syndrome Stockholm là. Ça, nous qu'attendre ça en l'eau. Là où quand on s'est débat, hein, en l'eau, il a dit où ces nègres là, ces noirs, ils ont trappé syndrome Stockholm là. Ça qui ça? C'est qui ça qui syndrome Stockholm? En fait, ça je le dit, hein, je le dit à force colon, à force colon, bah il fait, à force colon, en fait, il souffrait à présent, nègres là et identifier koi. Hein? Et il a adopté mode via ses colons. Il a adopté mode la vie ses colons. Et il a commencé, nous ça il a fait, il a critiqué mode de vie ses noirs. Le syndrome de Stockholm. Gardez ça, méditez en l'œil. Yo ka di ou, ces juifs-là font un croix pour Jésus. Ces juifs-là, yo font un croix pour Jésus. Hein? Ça qu'a fait actuellement? Actuellement, ces catholiques-là, yo ka adoré quoi? Yo ka boy. Comment yo pe bo quoi? Faut expliquer moi. Ou aimer Jésus. Ou aimer tellement à tel point. Que quoi ces juifs la fait, quoi ces juifs la fait, ou qu'a plein ou qu'a boy. Mais non, ça c'est en blague qu'il a. C'est en blague, franchement. Yo qu'a dit ou, yo fait Jésus marcher et puis la quoi. Yo fait hypothèse. Il marchait la quoi. Il marchait et puis la quoi. Actuellement, ça qu'a fait. C'est mon nom, yo qu'a fait. Yo ka fait un marche pour ça. Yo ka fait même marche là, yo ka ici rappeler koyo. Yo ka fait un marche comme ça. Comment y est? Yo fait souffrir. Comment y est nous ka essayer imiter ça? Mais non. Yo ka dit ces juifs là, c'est yo qui tué. C'est yo qui tué. Actuellement ça qu'a fait actuellement. Ça qu'a fait actuellement. C'est mon là qui a basé religion yo, c'est mon lan ka basé croyance yo en l'un en livre, c'est ces juifs là qui écrit ba yo, c'est ces juifs là qui écrit ba yo. Comment nous peut faire ça? En tout cas, c'est yo qui tue Jésus. Comment les autres peut faire? Comment les autres peut faire yo confiance? Comment les autres peut faire yo confiance? Ça c'est un bail, faut expliquer moi, hein? Et ça c'est là moi essayer expliquer les autres, moi essayer ouais épisode en bas qu'il y a la logique. Mais est-ce à dans Torah il y a des preuves concrètes, scientifiques, historiques qui a montré que Torah a modifié? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pas dit qu'on pas ouais, dit qu'on pas les ouais, c'est pas même bail là. Mais bien sûr qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a le monde m'a dit yo. Vini, nous allons lire la Bible ensemble. Vous allez dire, non, pas aller. Ah, mais pourquoi tu ne parles pas? c'est soit ou les vérités, hein, soit ou parler. Pour qui nous parler tant, ça qui pas qu'à faire nous plaisir. Mais non, faut qu'on accepte qu'autant de vérité, hein, qu'il fait au plaisir, qu'il pas fait au plaisir. Parce que c'est ça qui est plus important, c'est vérité. Hein. Mais comment ça vous arrête? Que là, toute la vie ou dans un système, toute la vie ou dans religion, et après ça, on peut apprendre que non, c'est pas bon religion qui là. Ça choquant. Ben, ma kadi ou, ni en pile converti ou passé par là. Oui, faut qu'on admette. Mais, faut pas ou remplir de chez ou dit, oh gay. Faut pas ou commencer, hein, dire non, on pas qu'à accepter ça. Pour tu ou pas qu'à accepter. Si c'est la vérité, pour tu ou pas accepter. Et donc, on va capable d'autant exemple là, dans la Bible par exemple, là, dans Torah, ça qui m'a attiré concernant bon Dieu, concernant création, hein, si avec la terre là, avec la terre, ça qui m'a attiré. Alors, il reposait quoi, septième joie pour tout ça y fait. Il reposait quoi, septième jour pour tout ça, il fait qui moun? Bon Dieu qui a reposé, il besoin de reposer quoi? Comment y est? Septième jour, nous en 2000 combien à présent? Mais non, c'est pas bien sérieux. Comment y est? Dans la Bible là, bon Dieu décrit et puis faiblesse ta, il a reposé quoi? Non. Ça, nous pas qu'accepter. Nous pas qu'accepter. Il n'y a pas un problème. Adam Torah, ou alors Adam Ancien Testament, ça pour nous plus précis, parce que Ancien Testament, ça plus vaste que Torah et plus grand. Adam Ancien Testament, on a trouvé des bails qui a choqué nous, franchement. Ou qu'a gardé ces prophètes-là, là on a comparé, ça on a trouvé en ces prophètes-là. Ou ka di ko, se moun nan jodi ya, yon ni plis piété ki se prophète la. C'est pour ça, Adam Torah, ou di mwen Adam la Bible la, le ou commence li sa, ni an pile moun ki pa ka respecte se prophète la. Pou ti yo pa ka respecte se prophète la, a cause di sa yo ou an le se prophète la dans la Bible la. Mais faut que zot savan bagay, bon Dieu, c'est lui qui choisit se prophète la. Comment il y a un bon Dieu qui a choisi des prophètes et que c'est Montaïo qui a fait des péchés quand il y a un match dans la Bible? Il y a un problème. Pour qui bon Dieu pas choisi ou qui a encore mieux ou pas qui a fait ses péchés à qui ces prophètes l'a fait? Pour qui bon Dieu pas choisi ou? Hein? Réfléchis. Ou qui voit que c'est pas ça où trouver hein, ces prophètes là dans la Bible là, ça pas vrai. Comment il y a un bon Dieu qui a choisi des prophètes et qui a fait des péchés comme ça? C'est pas des petits péchés. C'est des gros bails au sorti. Hein. Attention. Ça nous ka ouais, mais vous avez compris. Vous avez compris ça, moi dit. Ça nous ka ouais, ces prophètes là dans la Bible là. Mais avant nous, ça y a dit, maintenant l'autre question c'est comment y est nous peut accepter ça? Comment nous peut accepter ça, ces juifs-là qui ont dit nous, ces prophètes-là? Parce que c'est eux qui rapportent nous ça. Comment nous peut accepter ça, ces juifs-là qui ont dit nous, ces prophètes-là? Après, nous savons ça, ils ont dit en les Jésus. Ça, ces juifs-là dit en les Jésus. Ça, ils ont dit en les. Ils ont dit Jésus, c'est un menteur. Ils ont dit Jésus, c'est un bâtard. Hein? Ils ont dit Jésus, c'est un timon maïdi. Ça sache ça qui ça, Timon Maïdi ou en bata. Comment n'y a yo ka dit ça en l'ay? Ils autres savent ça sans parole qui grave. Marie, il pas fait pièce fornication. C'est un miracle qui était là, tout simplement. Ces juifs-là, ils ont menti en l'ay Jésus. Question, comment n'y a nous peut accepter toutes ces critiques-là? Ces juifs-là, ils ont fait en l'air tous ces prophètes-là, après ils ont menti concernant les Jésus. Ça, ils ont dit en l'air Noé. Ils ont dit Noé, t'es qu'à boire. Il te ka boue wom. Il te ka boule koi. Je ka montre ya dans la Bible là que Noé il te ka boule koi. Et qui te ka mette koi tout ni l'a été boule. Non mais sérieux. Un prophète. Faut moi arrêter faire la fête ce monde là. Faut pas nous quitter ce monde là jouer et puis nous comme ça. Faut pas nous mettre c'est faut pas nous quitter ces moules en mettre nous à la fête comme ça, c'est pas possible. Ça y est, qu'a dit en l'air Aaron. Aaron en arabe Haroun. Frère Moïse là qui là. Ça y est, qu'a dit en l'air. Il a dit il aider ces juifs là pour yo fabriquer un idole pour yo adorer. Non mais sérieux, ça c'est vagabondage qui là franchement. Ça c'est vagabondage qui là. Comment y est Aaron qui a dit frère Moïse pour y prêcher ces moules-là, pour y adorer en seule divinité, hein? Comment y est yo ka fait tout ça yopé pour y libérer koyo dit Pharaon avec tout polythéisme teni, hein? Les bon Dieu libéré yo, ça a on qu'a fait? A on qu'a les fabriquer des divinités, des idoles pour ces mounan pour adorer ces idoles là? Comment y est? Comment y est? Pour tu ouvrir et puis pour tu bon Dieu vrayer à on et puis Moïse. Si bagay là qui pi important, il pas comprendre. Comment y est? Je dis ya, hein, nous commander n'importe qui chrétien. Est-ce que nous n'y doit fabriquer des idoles pour nous adorer yo? Tout chrétien qui a dit nous, non, pas n'y doit. Ok, comment y a un prophète pas comprendre ça? Comment y a un prophète pas comprendre ça? Et c'est un principe fondamental qu'il a. Religion monothéiste. Ça, c'est ça nous a crié vagabondagerie. Ça yo dit en les Salomon. Yo dit Salomon maye koy. Et puis des femmes païennes. Et maye koy et puis des femmes païennes. Ça qui arrive après, yo dit que après ça, il commence à adorer ces idoles là et puis ces madames là. M'en désolé hein. Franchement, m'en désolé. Ça, m'en peut pas accepter. Ça, moi, je ne peux pas accepter. Parce que, pour nous accepter des critiques comme ça, en laissant ces prophètes-là, vous autres savez ça qu'il a? C'est en critique en les bon Dieu qu'il a. Parce que ça l'est dit qu'il bon Dieu, il passe à choisir ces prophètes-là. C'est ça l'est dit. Et c'est comme ça, ces juifs-là, ils ont mis ces mounes à la fête. Ils ont dit bon Dieu, passe à choisir ces prophètes-là. Et donc, bon Dieu, il passe à choisir Jésus non plus. Il pas t'a choisi non plus. Jésus non plus il pas bon. C'est ça yo ka dit nous. Comment nous peut accepter ça? Des critiques envers ces prophètes là comme ça. En question nous faut nous poser quoi nous? Est-ce que nous mieux? Est-ce que nous meilleur? Qui ces prophètes là? Bon Dieu choisi yo pour yo transmettre message là. Un message si important qui ça? Un message paradis ou enfer? Est-ce nous meilleurs qui c'est Mounta? Est-ce bon Dieu pas ça choisi? C'est bon Mounta pour transmettre le message là qui est si important. Prophétie à qui là? Jodia, nous commandons des autres. Tout patron entreprise. Tout patron entreprise. Si patron entreprise là, hein, il peut prendre des employés. Et que ces employés, ils ont fait vagabondage, ils ont fait n'importe qui ça dans la société, ils ont mis la société à terre. Ça qu'a fait. Ça, c'est mon nom qui dit. C'est mon nom qui dit, c'est votre patron, c'est lui qui peut être choisi. C'est lui qui peut être choisi. Comment il a choisi d'employer comme ça? Ou t'es pour poser quoi? Et puis, réfléchis, gardez, hein? Ça, il a dit ça pour un patron d'entreprise. Ça, nous a dit pour bon Dieu. Et donc, non, ça, c'est des bagages que nous n'avons pas qu'à accepter. Il faut que nous réfléchissions et qu'il ne faut pas nous quitter ces gens qui mettent nous à la fête. Et puis, il y a des bagages qui m'ont pas encore dit autre. Ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. C'est un mensonge qu'il a, c'est vraiment un mensonge qui est gros qu'on montagne. Ça y est, dis-nous. En l'air, Abraham. Tout le monde savait. Yo ka dit tout le monde, tout ce monde là, yo ka dit Abraham, c'est papa, c'est religion monothéiste là. Moi pas d'accord. Moi pas d'accord parce qu'il pas ni plusieurs religions monothéistes, il n'y a une seule religion monothéiste. Mais allez, ça c'est mon langage dit. Yo ka dit Abraham, c'est papa, toutes ces religions monothéistes là. Et donc Abraham, c'est un monde qui est vraiment important. Si vous regardez pour ces juifs-là, pour ces musulmans, pour ces chrétiens, Abraham, c'est un monde qui est vraiment important. C'est un grand prophète qu'il a. Il dit en Abraham qu'il fait un riche des rois. Il dit en Abraham, alayhi salam, il fait un riche, il trompe madame li. Non mais sérieux. Ou commandez à présent tout chrétien. Est-ce Adam religion catholique là? C'est un bagage qui légifère, qui licite un homme, il trompe madame lui. Est-ce c'est un caractère louable qu'il a? Je t'ai dit ou non? C'est vraiment blâmable. OK? Parce que nous savons, fornication, c'est un bail qui n'est pas permis à dans la religion. Comment est-ce que vous accepté un prophète, c'est Yon, dit ce meilleur prophète là, à la vraie assis la terre? Comment est-ce que vous accepté ce juif là qui a dit en l'air? Il fait un riche d'erreur. Il trompe madame lui. Ça grave. Ça grave. Ce moment là, il a grave. Faut que nous arrêtions manger tout ça, c'est mon langabano. Faut que nous arrêtions nous croire tout ça, c'est mon langabano. Concernant les mots des problèmes là qu'il y a dans Torah ou dans Ancien Testament, de façon générale, il y a en pile. Mais comment disent, m'en parler fait longo soya. Et il y a en question, souvent, m'en cas venir puis question ta, m'en a posé des prêtres, hein, des chrétiens de la masse. Témoin de Jéhovah en pile moun évangéliste, adventiste. M'a ka posé une question, m'a pas ni pièce réponse. Dernière fois m'a posé question ta, il y a un moun pendant 6 ans, il essaie, il pas trouvé. Et donc, je vais poser une autre question. Deutéronome, chapitre 34, dernier chapitre là. Deutéronome, chapitre 34, verset 5. Allez, Adam. Deutéronome, chapitre 34, verset 5. Passage ta, Deutéronome là, ça c'est juif là qui a dit nous. C'est juif là qui a dit nous, c'est Moïse qui écrit. Et donc, vu que c'est juif là qui a dit c'est Moïse qui écrit, c'est chrétien ça qui a dit c'est Moïse qui écrit. Puisque yo prend livre ta, quand c'est juif là. Forcément, yo qu'a écouté. Et donc, Adam croyance c'est juif là, et croyance c'est chrétien, c'est Moïse qui écrit Deutéronome là. Et ça, c'est un bail qui est important, Pouchi. Parce que livre là, il qu'a prendre la valeur. Livre là qui a pris importance, les moun là qui écrit, c'est un moun qui est important. Moïse, un grand prophète. Ok. Il va dire où c'est lui qui écrit. Deutéronome, chapitre 34, verset 5. C'est Imatier, Moïse, servitait l'Éternel là. Servitait l'Éternel là. C'est là, il m'a. C'est côté ta là, il m'a. à dans pays Moab là. D'après ordre l'Éternel là, et l'Éternel là tiré à dans vallée en face Beth Peor. Et donc qui ça qui fait? L'Éternel là il tiré Moïse à dans vallée en face Beth Peor. Personne pas savent côté tombeau aillé. Jis jodia, et donc moun lan ki ekri sa, il a dit nous, jis jodia, personne pas sav côté tombeau aillé. Expliquez-moi. Zot ka di moun comme moun lan ki ekri sa, c'est Moïse. Comment y est Moïse ka di nous? Il a écrit à dans Torah jis jodia, personne pas sav côté tombeau aillé. Après moi, non mais il y a un problème. C'est pour ça là, vous êtes obligé à admettre, c'est pas Moïse qui écrit ça. C'est pas Moïse qui écrit. Qui moun qui écrit? Dernière fois, moi débat et puis en témoin de Jéhovah, il était bloqué et dit bon, ça vrai. Là, peut-être c'est élève Moïse qui écrit. Ah, à présent nous changer. À présent nous commençons à changer bail là. Et donc peut-être c'est élève Moïse qui écrit. Qui élève? C'est qui moun? Hein? Est-ce que nous pouvons faire confiance? Pouchi, il pas dit nous que c'est lui qui a écrit. Pouchi, laissez-nous croire que c'est Moïse qui a écrit. Et donc ces moun là, faut que nous réfléchissions. Et faut pas nous quitter ces monde là mettez nous à la fête. Hein? Et aussi ça en bas qui est vraiment important, faut pas nous ka ouais vérité en face. Faut pas nous rester bloqué. Man ka ouais des monde, le man ka ba yo verset là, yo ka rester bloqué, yo ka essayer 6 heures pendant 6 heures monde là essayer. 6 heures il a tourné à droite à gauche, oui non mais il y a moyen que mais non. Accepte vérité, c'est tout. Pour tout faire comme mal comme ça. Ça qu'a fait aussi mal que vous dites m'en tromper comme un. Ça qu'a fait mal comme ça pour dire oui, ça vrai, nous tromper comme nous. Mais non, faut qu'on admette. C'est pour ça Allah dans le Coran, il a décrit ses croyants. Comment yoyé? C'est mon ta. Allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Yo ka mache, hein? Et puis toute humilité en les la terre. Si trompé koy, il ka di ou m'en trompé comme moi. Désolé, m'en trompé comme moi. Là, m'en trompé comme moi. Pas ni pièce, m'en pas ni pèse honte. Pour qui manque honte, dit comment trompé comme moi. Pour qui manque honte, qui moun ki pa ka trompé koy si la terre? Qui moun, dis-moi, qui moun qui pa ka trompe quoi y'a si la terre? Nous tous ka trompe quoi nous? Et donc, si vous ka ou en évidence comme ça, en gros problème comme ça, hein, que juste j'en dis à yo pa trouver réponse, comment y'a nous pa accepter ça? Faut pas ou quitter diable la faire ou refuser vérité à. Pas quitter diable la jouer épisode. Et donc, Jodia, je pense qu'ils sont assez longs comme ça. Nous pouvons arrêter pour Jodia, mais je m'en dis autre. Hein. Franchement, si nous les, nous pouvons arrêter 4 heures comme ça, nous ne pouvons pas aller l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, pas ni en faute, deux fautes, trois fautes. Hein. C'est en pile qui n'y. Et attention, faut pas penser à dans le Nouveau Testament, il pas ni non plus. Il n'y en pile aussi. Alors, ça m'a qu'a dit ces moun Martinique là. Ça m'a qu'a dit yo, faut pas nous quitter diable à jouer puis nous. Hein? Faut pas nous faire concis, nous pas qu'a tromper comme nous peut pas tromper comme nous. Si nous la vérité à douvanzier nous, faut que nous dire oui, c'est vrai, vérité à venir. Vérité à venir. M'en tromper comme moi pendant 20 ans, m'en tromper comme moi pendant 30 ans, m'en tromper comme moi pendant 72 ans. Et alors? Et alors? Et donc ça, c'est message-là, mon télébase aujourd'hui. Et mon commandé Allah, il bat nous toute la clairvoyance. Il fait nous tout comprendre et accepter vérité. Les vérités à d'ouvrir nous. Nous commandons à Allah tabaraka wa ta'ala placer nous parmi ces pieds, parmi ces mouns-là qui n'ont la piété. Nous commandons mettez-nous et puis ces mouns-là qui ont les mêmes voix, ces prophètes-là. Nous commandons guidez-nous, ben nous la guidance. C'est lui qui est capable de faire toute bagaille. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.